بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre rend gloire à Allah. À lui la royauté, à lui toute louange. Il est de toutes choses infiniment capable. C'est lui qui vous a créé. Il y a parmi vous le mécréant et il y a le croyant. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Il créa les cieux et la terre pour une juste raison. Vous a modelé dans votre forme la plus belle. Et c'est vers lui que sera le devenir. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Il sait ce qui est dans les cieux et sur terre. Il sait ce que vous tenez secret et ce que vous révélez au grand jour. Allah sait parfaitement ce qui est au fond des cœurs. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ne vous est-il pas parvenu l'histoire de ceux qui ont mécru autrefois et qui ont donc goûté le péril dû à leurs actes? Ils auront aussi dans l'autre monde un supplice très douloureux. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Cela parce que les messagers venaient leur apporter les preuves évidentes. Et eux leur disaient, serions-nous donc guidés par des humains comme nous? Ils mécroyaient donc et se détournaient. Mais Allah se passait d'eux. Allah est celui qui se passe de toute chose et le digne de toute louange. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis que si, par mon Seigneur, vous serez certainement ressuscités, puis informés des actions que vous aurez faites. Cela est pour Allah chose vraiment aisée. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Croyez donc en Allah, en son messager et en la lumière que nous avons fait descendre. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Le jour où il vous réunira, jour du rassemblement. ce sera le jour de la déception. Celui qui croit en Allah et fait le bien verra ses mauvaises actions rachetées. Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Voilà le succès suprême. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Quant à ceux qui ont mécru et ont osé démentir nos signes, ceux-là seront les hôtes du feu, où ils demeureront pour l'éternité. Quel affreux destin que le leur! ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Il n'est malheur qui puisse vous frapper sans qu'il ne soit par la permission d'Allah. Quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. Allah sait parfaitement toute chose. Obéissez à Allah, obéissez à son messager. Mais si vous vous détournez de leurs commandements, le messager n'a pour seul devoir que de transmettre notre message explicitement. Allah la ilaha illa hu wa ala Allah falyatawakkal al mu'minun. Allah, il n'y a point d'autre divinité que lui. Qu'à lui s'en remettent donc les croyants. Ya أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Oh, vous qui croyez, il peut se trouver des ennemis pour vous, même parmi vos épouses et en vos enfants. Méfiez-vous-en. Mais si vous passez les erreurs, excusez et pardonnez. Sachez qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Vos biens et vos enfants ne sont que tentations. Mais Allah détient auprès de lui une immense récompense. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Craignez donc Allah autant que vous le pourrez. Écoutez, obéissez et dépensez de vos biens en charité, cela est meilleur pour vous. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Si de bonne volonté vous faites un prêt à Allah, il vous le remboursera au centuple et vous pardonnera vos péchés, car Allah est si reconnaissant, si magnanime. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Il connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Lui, le Tout-Puissant, le Sage.